Quem diria, o gueto na maior sintonia, representando o Brasil, avante nessa corrida. Sem intriga nem treta, só amizade e progresso. Que é pra mudar a imagem nossa que o mundo tá vendo. Só carnaval, futebol, guerra na favela. Mulher gostosa, palavrão, mas que fita é essa? Lá tem cultura, incentivo, manifesto público. Calor humano vem do humilde que mora no morro. Porque perto do que vejo, infelizmente é pouco. Aqui quem tem tá luxando e quem não tem tá no osso. Ostentação, luxo, ouro, a beleza é no. O contexto de vida das pessoas hipócritas. Encontrei por aqui corações brasileiros expandindo a cultura nossa como a capoeira. Mão de obra estrangeira aqui emprega os guerreiros. Salve Luiz, favela chique, trampa de pedreiro. Da Jangeus, DRE, conexão firmada. O coletivo na França quer pra mostrar nossa cara. Verdade não calo, rap abala o mundo. E segue firme e forte no coração vagabundo. C'est ça hip hop. Danger à San Paolo, big up à ceux qui restent peace love. Malgré le ghetto loin des 1, 2, 3, 0, on joue le même match. On représente avant tout collectif, on respecte la démarche. Laisse place à l'échange du rythme et de la culture. Regarde nos yeux, on partage les mêmes plaies fermées par des sutures. Comme vous, on peut pas se permettre d'attendre le gouvernement pour protéger nos enfants et leur promettre d'apporter le changement. C'est le prix de la vie, le prix de la bouffe, le prix d'un logement. Comme nos barres paraissent luxueuses, un kilo à 3000, l'autre à 300. Pendant qu'on pense juste carnaval, bête de meuf ou les gros seins, eux, c'est qu'on est blanc plomb, qu'on se lave pas mais qu'on vend du parfum. Les préjugés noircissent les visions qu'on a de chacun. Optimise les rencontres et rends-toi compte, tu check les mêmes mains. Le même délire est sur la même vanne, le même estomac qui crie vacarme, les mêmes larmes pour perdre des chères âmes. Des favelas jusqu'au quartier du 49. Je remarque que c'est la même niaque pour le freestyle mat. On est tous refs, la connexion se fait toute seule. On fout ce peu en route pour l'unité. Message qu'on fait tourner pour tout le peuple. C'est des H-I-A-N-M qu'on m'entend jusqu'au Brésil. Citoyen du monde parce que je la représente, mais je me limite pas qu'à ma ville. Respect aux activistes qui s'étendent au-delà des frontières. Face aux réalités des autres, j'en viens à minimiser mes galères. Très bien, convocado na rima São Paulo Sul. C'est assim pra ser feliz, prazer, rima construo. Happy não tem barreira na cadeia ou em casa. Do patente gosme limpa, bem vivão na minha área. Já que é assim, eu sempre quis expandir os negócios. De longa data, a vanguarda, sempre com os meus sócios. Ó que bem louco de São Paulo, vim soltar a voz. Pra reforçar e ressaltar que a nova safra é nós. Prazer estar em Angers, trazer o meu proceder. Na França vim perceber o que só vi na TV. Vou te falar, gueto é gueto em qualquer lugar. E só quem viu, conferiu e pode citar. O China JB mano torna Bori 880. Direto do Brasil, garante a garra do penta. Bate o tambor, Luiz Mota vem na percussão. Rastafari, som do Beats, produção. Avante o coletivo. Da Janeiro.